Est-ce que tu viens juste de dire qu'on n'entend pas le petit chien ou tu l'as dit dans l'enregistrement? Ok. Non, je viens juste de le dire. J'étais comme... Là, ça, c'est comme Blob qui parlait dans le futur. J'te jure, c'est ça l'effet que ça me faisait. C'est ça l'effet que ça faisait à cause du timestamp. Ça mettait un délai sur toi, fait que ça donnait l'impression que je parlais dans le futur. Je parlais avant. Je répondais à tes questions avant que t'es poses. Ça existe pas parler dans le futur. Ça peut pas te faire mal. Nous sommes le jeudi 24 septembre 2020. Vous écoutez On a juste une vie, épisode. On n'est pas sûr que c'est un épisode parce qu'on n'est pas sûr que le setup marche. C'est-à-dire 292. Je suis Narf. Je suis Blob. Et je pense que ce soir, on est passé à travers tous les problèmes techniques. On les a tous eus. Tout. On peut starter une collection, je pense, de... problème technique. Non, mais c'est comme c'est quand même nice de tous les avoir en même temps. C'est comme j'ai eu des problèmes d'internet, je me suis branché avec un fil, ton ordi a crashé, on a eu tous les problèmes d'audio. Après ça, j'ai découvert qu'Anne-Marie était pas là, ça veut dire que c'est moi qu'il faut qu'il fasse le setup. J'ai essayé de faire le setup, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. J'ai découvert qu'elle était pas là quand tu parlais dans le vide, qu'elle te répondait pas, non? Exactement. Alors qu'on était très bien avertis depuis un certain temps. J'attendais. On a fait l'intro. C'est parce que là, ceux qui nous écoutent, là, vous l'avez manqué, là. Parce que je l'ai coupé au montage, mais on a fait l'intro, puis là, j'ai dit je suis Narf. J'ai dit je suis Blob. Puis là, on a attendu 3 minutes qu'Anne-Marie a dit et je suis Anne-Marie. Puis elle l'a pas dit. Puis là, on a fait comme ben, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Mais là, on l'a coupé au montage, là. J'avoue que je l'ai quand même attendu un petit peu, même si je le savais que ça arriverait pas. C'est vrai, toi t'es le pont entre moi et Anne-Marie dans l'ordre. Fait que toi, quand ouais. Tu parles, t'attends après elle. Moi, j'attends après elle pour embarquer. Fait que ouais. Ouais. C'est spécial. Ouais. Gab, il demande et où Anne-Marie? Elle est malade. Elle a peut-être la COVID, en fait. Fait que c'est vraiment pas drôle. Mais comme... I guess on que... On est plutôt sûr que c'est pas ça, mais... Mais en même temps, on a pas de preuves non plus. Je veux dire, ça a pas mal plus... T'sais, à nous raconter ça, ça a pas mal plus l'air d'un rhume qui est en train de virer en sinusite que la COVID. Mais t'sais... quand même aller se faire tester parce que comme quand t'as des symptômes de rhume en 2020, tu vas te faire tester parce que c'est pas le temps de niaiser avec ça. Fait que ouais, c'est pour ça qu'elle est pas là. Elle se repose. En tout cas, j'espère qu'elle se repose pis qu'elle est pas en train de nous écouter, genre. Pis de rire de notre gueule de moi qui est pas capable de faire le setup. C'est moi qui ai fait le setup toute la vie, genre. Là, Anne-Marie, elle prend le relais pendant quoi? Ça fait quoi? Un an là, qu'elle fait ça? Puis là, j'ai tout oublié. Bon, je pense que c'est normal. Puis peut-être que ça fait plus qu'un an, en fait. On la félicite, d'ailleurs. C'est quand même... C'est là qu'on se rend compte à quel point c'est pas un job facile et automatique. Ah, si j'aimerais ça que ça soit automatique. Comme surtout pour le montage du podcast, ça me prend tellement de temps tout faire, les posts. C'est comme, je suis rendu avec un setup, là. Comme... Un workflow, ouais, un pipeline. J'ai en fait une grille Excel. Parce que j'écris les posts, j'écris le texte des posts dans la grille Excel. Tu sais, je rentre la date, j'écris comme le titre, puis des affaires, puis j'écris. Mais comme ça auto-remplit toutes les affaires qui sont tout le temps pareilles, c'est tout auto-rempli. Puis après ça, j'ai des onglets Discord, l'onglet YouTube, l'onglet, je sais pas moi, blog. Puis là, ben, dans chaque onglet, il y a les informations dans le bon ordre. Puis là, j'ai juste à copier-coller, clac, clac, clac, clac. Comme le titre. Sur notre site, on met le numéro, la date. après ça le titre, tout ça, et c'est comme, je fais juste copier-coller, puis ça marche. Mais là, ce que j'aimerais... Comment? Je disais qu'on pourrait avoir un gros script Python qui ferait tout ça. C'est la prochaine étape. J'ai déjà un script, c'est pas en Python, c'est en Node. Probablement que je devrais le faire en Python. Mais ça fait longtemps que j'ai pas fait du Python. J'ai un script qui convertit le MP3. En fait, qui pogne le vidéo du podcast, parce que je fais le montage en vidéo. Il pogne le vidéo, puis il extrait l'audio, il fout en MP3, puis il met les tags, puis il rajoute l'image selon, tu sais, comme... Il cherche dans le dossier, là, puis il check. Ah, oh, je vois l'image qui a le bon numéro, je vais mettre ça. T'sais, il scanne tout, puis il output dans la console beaucoup de points d'exclamation. Ce qui avait bien fait rire Camille quand j'y avais envoyé. J'étais comme, ah, moi, j'ai fait un script, il est tout automatique, puis Camille était comme, j'aime qu'il est très positif, puis il a l'air vraiment content. Il est comme, j'ai trouvé l'image! Yes! C'est l'image 2.93! Je la fous dedans! Puis comme, alright, j'ai fini de convertir! Je vais mettre des tags! Ok, c'est fini! Good luck! C'est... Tu devrais composer des écrans de loading pour les jeux et les logiciels. Tu sais, à cette heure, ils sont tous rendus qu'au lieu de dire qu'est-ce qu'ils sont réellement en train de faire, ça écrit un paquet de niaiseries. Là. Genre ouais. Jurassic World, il y a genre, ah oui, on est en train de restarter les enclos, là, puis là, on communique avec les vétérinaires. On change la batterie du drone. Ouais, c'est ça. Toutes ces niaiseries-là, oui, oui. Tu sais que chacune de ces phrases-là, comme nous, on sait behind the scene qu'est-ce qui se passe réellement à ces étapes-là. En fait, je dis nous, mais pas moi. Là. Comme, mettons qu'un joueur dit « Ah, oh, je suis bloqué à l'étape de la batterie du drone. » Ben là, comme il dit ça au support technique, ben le support technique sont comme « Ok, il bloque à l'importation de la save file, genre. » Ouais. C'est fun que ça parle de vraies affaires parce que ça a l'air des fois d'être au hasard. Quoique c'est toujours les mêmes. Oui, oui, ben c'est ça, parce que c'est toujours les mêmes étapes. Parce que c'est. Parce que... Quand je load Discord, ça a l'air d'être au hasard. Oui, Discord, c'est au hasard. C'est parce que Discord, ils font c'est juste pogner une phrase puis ils t'affichent une phrase. C'est mais c'est parce que leur loading est aussi pas mal moins long que notre jeu. Fait que... Ça dépend sur mon ordi. Ouais, mais tu roulerais-tu Jurassic World live sur ton ordi? Dans un émulateur? Je sais pas honnêtement si ça me marcherait. Vu le temps que ça prend pour rebooter ton ordi et ouvrir Discord, j'ai des petits doutes. Pour ceux qui se demandent, je suis sur un Asus laptop de 2011 avec je sais même plus quel processeur j'ai là-dedans. Je pense que c'est un i7 quand même, mais comme d'une assez vieille génération. Puis juste mettons, tu calcules en carte graphique, c'est quand même facile à suivre là, pour les cartes graphiques de Nvidia, là, parce qu'ils étaient toutes comme les 700, les 600, les whatever. Non, les 6, 700, 800, 900. Là, il y avait les 10, les 20, les 30. Tu sais, c'est quand même facile à suivre. Ouais. Moi, j'ai une 550M. Ouf! Fait que 50, c'est comme milieu bas de gamme. Oh, c'est la version mobile. C'est plutôt la version laptop. Je pense que c'est ça qu'il y avait dans... Moi, j'avais une 740, genre. Je sais même pas si c'est... Ou une 745. Comme mon ami Arnaud... J'ai dit ça, puis il fait « Ça existe même pas. » Il fait « Ah, oh, ça doit être une affaire OEM, pas rapport, là. » Mais c'était pas une M, fait que c'était quand même potable. Ouais, ben il y a un moment où ils ont arrêté de faire les versions M, si on veut, parce que tout a transitionné vers les technologies, disons, vertes, qui prennent moins de courant. Fait que maintenant, les nouvelles cartes graphiques qui sortent, ils peuvent, comme techniquement, juste changer de quoi, je pense, dans le firmware, quoi, puis genre, c'est la même que t'as dans le laptop, c'est juste, ça roule pas tout à fait pareil, mais celle que t'as dans ton gros ordi est comme pratiquement économe comme celle de laptop. Mais capable de chauffer un petit peu plus. Ouais, ben c'est autant ça le problème. C'est ce qui prend le plus de jus, c'est le fan. Non, c'est pas, je pense pas que c'est vrai, là, mais c'est comme une source. T'sais. Faut que tu. Si ça produit full de chaleur puis ça te brûle les genoux. Chose qui semble. Ça semble être assez courant sur les laptops modernes, on s'entend-tu? J'ai l'impression que ma sœur s'en est pogné un. Tu sais, un bon gros laptop de gamer, là. Ouais. Qui est pas trop pire, mais comme, elle se met une petite planche pour pas qu'il soit direct sur ses genoux. Genre, une espèce de coussin de lecture. Mais Ouais. comme, tous les petits laptops super minces, là, que je regarde le monde, ils vont sur Facebook, là, pis là, ça check des vidéos, là, pis là, ça chauffe, pis ça devient bouillant. Pis je suis comme, comment tu fais pour pas te pogner, te brûler au troisième degré les genoux? Mais le truc, c'est de pas aller sur Facebook. Ah, toi, t'as bien compris comment ça marche. Fait que là, on avait peut-être un sujet. Parce que là, Blob, tu me disais tantôt, ouais, j'ai comme rien. Ben, j'ai joué à Sky et je peux parler vite vite de ce que j'ai fait à Sky cette semaine. C'est Ah, évident. vas-y, on peut commencer par ça. Parce que ça c'est sûr que ça. Tu sais, ça fait un bout que j'ai pas joué. Mais c'est sûr que ça m'intéresse. J'ai remarqué. Ah, oh, check l'autre. T'essayes-tu de me faire sentir coupable depuis t'envoyer des étoiles? Puis Non, des. j'ai pas besoin de tes petites étoiles. Puis tes cœurs? Les cœurs, ça aussi j'en ai. Non, honnêtement, je commence tranquillement à être comme dans ma fin de game, si on veut. Je suis dans un stade où est-ce que je loupe le jeu, puis je farm des affaires, puis je rencontre des gens par rapport. Puis j'ai plus de chandelles qu'avant parce que je dirais que j'ai acheté la plupart des cosmétiques que je voulais. Comme, t'as des affaires, tu regardes, ça va te coûter, mettons, 20 cœurs. Les cœurs, c'est très long à ramasser. Fait que là, une affaire qui coûte 20 cœurs, peut-être que tu vas en acheter un, là. J'ai fait ça, j'ai acheté la cape verte, mais j'achèterai pas le truc qui coûte 50. Puis là, l'idée, c'est que t'as ces espèces de grands bonhommes qui s'appellent les esprits anciens. La plupart, quand t'achètes des affaires, tu leur échanges des chandelles, ils vont chacun te donner un cœur. Là, j'approche de les avoir tout épuisés. Ça, c'est comme des cœurs faciles un peu à aller chercher, mais de bientôt, j'en aurai plus. Non seulement je les ai presque toutes pognées, mais en plus, je les ai déjà dépensées sur ma cape verte. Fait que là, les mettre sur le truc qui coûte 50, je ne ferai probablement pas ça. Fait que là, tu sais, j'ai comme mon masque que je voulais, puis ma cape que je voulais. Moi, je trouvais. Ce que je me souviens, c'est que la meilleure manière d'avoir des cœurs, en fait, c'est d'avoir des amis. Puis là, tes amis convertissent leurs chandelles en cœurs. Parce que tu peux pas convertir tes chandelles en cœurs pour toi, mais tu peux convertir des chandelles en cœurs pour donner à des amis. Puis là, cet ami-là, techniquement, il va être fin, puis il va t'en renvoyer. C'est-à-dire. Pas comme moi. Mais actuellement, c'est là où je suis rendu. J'ai suffisamment de chandelles, puis suffisamment pas assez de place pour les dépenser qui me tentent vraiment, que au lieu genre d'essayer de compléter le jeu en achetant toutes, je préfère pour l'instant me faire des nouveaux amis puis leur donner assez de chandelles pour qu'il y ait un cœur. Puis là, je me dis, s'ils m'en redonnent un, tant mieux. S'ils m'en redonnent pas plus grave, honnêtement, parce que ça coûte peut-être 4 ou 5 chandelles de rendre jusque-là, incluant le premier cœur que tu leur donnes. Puis quand tu fais tes défis de la journée, t'en as déjà 4. Fait comme, si je fais mon défi de la journée, je peux déjà me faire un ami puis donner un cœur. C'est pas un gros cost. C'est pas comme si j'avais vraiment besoin de 150 chandelles pour acheter un chapeau. Je sais même pas si tu peux faire ça. Je pense pas. Je pense pas. Fait que j'ai fait ça avec deux, trois personnes cette semaine. C'est pas mal là où je suis rendu. Puis il y a quelqu'un là qui. Je dirais pas que la personne elle m'a calé, mais ça a donné qu'on s'est croisé dans un lieu. Puis là, elle a installé une table. Fait que j'étais allé m'asseoir. Puis la personne, elle dit Ah, échange-moi pas des cœurs. J'essaye d'accumuler mes chandelles. Là. Puis je me sens mal, je pourrais pas t'en redonner. Puis j'ai dit, ah, oh, c'est pas grave, pantoute, là, j'ai pas besoin. Mais tu sais, la personne, elle se sentait comme obligée, si elle se fait donner un cœur, d'en redonner un en retour. Puis il était comme, tu sais, je te redonne celui-là, mais redonne-moi-en pas demain, je le ferai plus. Là. Mais c'était genre cool et poli qu'elle fasse exprès de me redonner un cœur. Mais tu sais, on s'est parlé autour d'une petite table, là, tu peux faire apparaître une table puis t'asseoir dessus. Fait qu'on a jasé, puis on a fait comme « Ah ben oui, pas de trouble, c'est nice. » On a continué nos petites affaires. Ce jeu-là a une ambiance que j'ai jamais vue nulle part ailleurs. Puis comme... Tu sais, peut-être que les gens qui jouent plus à des MMO vont me dire genre « Ah oh, ouais, dans tel MMO, peut-être, ça ressemble. » Ou genre, j'ai l'impression que ça va être genre « Dans tel MMO... » Mais juste comme d'un premier 6 mois quand le jeu est sorti, ou quand le jeu il est en alpha, là, pis moi j'avais le droit d'y aller, mais il n'y avait pas encore beaucoup de joueurs, fait que ça c'était encore le chill. Mais là, quand ils ont ouvert la bêta, là, c'était rendu poche. Tu sais, ça sonne comme... C'est la même affaire que genre early Twitter, les gens en parlent souvent, moi j'étais un peu là, tu sais, comme le début de Twitter, il y avait une vibe qui était complètement différente, qui est pas en toute la vibe actuelle, qui ressemble un peu à la vibe de Sky, c'est comme tout le monde est juste nice. Puis comme Mastodon, c'est un peu ça aussi. C'est pour ça que je traîne là-dessus. C'est comme tout le monde est juste nice. Après ça, ça dépend des groupes, là, mais. Ouais, dans Sky, moi je me comporte comme je donne, puis si j'ai rien qui me revient, c'est vraiment pas plus grave. Si ça me tente pas de donner, je fais comme un petit coucou puis je continue mes affaires. Tu sais. Des fois, il y a des gens tu vois qui gossent autour de toi comme s'ils veulent faire quelque chose. Fait que là, tu restes, tu sais, t'attends, tu promènes, tu checkes qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent rien souvent. Fait que je finis comme, OK, c'est bon, je vais y aller, je vais continuer. Parce que je suis pas super structuré, mais de temps en temps, je suis comme, bon, là, c'est mon break, je vais ramasser des chandelles. Fait que j'aime ça faire mes petits parcours pour ramasser ma cire à chandelles, parce que je commence à connaître mes points préférés pour aller en chercher. Yeah, c'est sûr. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut niaiser, c'est sûr que je vais me laisser retenir, je vais aller jouer avec les gens avant de juste courailler après la cire à chandelles. Mais quand ça fait un bout, je vais continuer un petit truc. Parce que ce qui est quand même cool, c'est que quelqu'un peut... Si quelqu'un te poigne la main, genre, cette personne-là va être... Toi, ça va rien changer pour toi. En fait, ça va même te donner du boost de pour voler, genre. Ah oui, mais tu peux comme la remorquer partout. Tu peux remorquer... Fait que quelqu'un peut s'agripper à toi, puis ça... non seulement ça te nuit pas pantoute, tu peux juste continuer à jouer comme si de rien n'était... Mais en plus, ça t'aide. Fait que c'est comme, c'est cool que quelqu'un s'agrippe après toi, finalement. Puis les affaires que tu ramasses, ça y donne. Et puis la personne ramasse. Ouais, mais c'est un peu le but de la patente, là. Si tu veux comme pas trop jouer, tu peux juste t'accrocher après quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Puis là, c'est comme, alright, on part. Puis la personne t'amène... ramasser toute ça, la... Faut que tu sois déjà ami au moins une petite shot avec. Fait que ça te prend minimum une chandelle, mais... Ouais. Quand ça fait un bout que tu joues, c'est pas très difficile. Tu sais, moi, j'avais déjà raconté là, au podcast comme quoi... ça m'était arrivé, là, genre... J'étais devenu ami, une chandelle avec quelqu'un. Puis là, cette personne-là m'a juste comme amené dans une zone... Puis là, a fait la map de la manière la plus optimale, comme un speedrun. Puis il était juste comme content que je sois là, parce que comme, de un, il me montrait ses prouesses, il me montrait comment c'est quoi le bon chemin optimal pour tout ramasser. Mais lui, il a quand même attendu à la fin que j'aille donner un truc au grand esprit. Fait, il aurait pu juste continuer puis s'en foutre de ce que moi je voulais, mais j'étais comme genre attends, moi je veux faire ça. Puis il s'est juste couché à terre, t'es comme genre alright, fais ton affaire, moi je suis couché là. C'était super drôle. J'ai donné mon truc, puis il m'a repogné à la main, puis là wouh, on est reparti. Ouais, j'aime ça faire ça. Puis la personne, on a chatté un peu plus tard parce qu'on s'est donné des chandelles pour ça, on a locké le chat. Puis il ou elle m'a dit qu'il venait du Pakistan, genre. J'étais comme, oh shit, c'est nice. Je dis Pakistan, c'est peut-être un autre pays, mais comme un pays loin. Fait que c'est quoi qu'il y a de nouveau dans le jeu, là? Je vois passer les annonces, ben pas des annonces, mais comme des leur marketing là, pour dire qu'ils ont mis des nouvelles patentes. Ben, il y a une saison qui vient de finir. Cette saison-là avait donné une pas pire grosse nouvelle zone, qui est comme une île quand même assez géante avec plein de tunnels dedans, puis des animaux géants, puis tout le kit. Là, cette saison-là vient de finir, mais à ce que je sache, la zone est encore là. Quoique je suis pas retourné, fait que je sais pas si comme elle a refermé, mais ça m'étonnerait. Il me semble d'habitude, quand ils font des saisons, entre guillemets, puis ils ouvrent des nouveaux endroits, les endroits ils restent là après. C'est juste comme les esprits spéciaux dedans, ils deviennent un petit peu désactivés. Fait que si tu les as pas eus, il va falloir t'attendre comme qu'ils reviennent un jour. Et puis là, mais ce que ça fait pour ceux qui jouent pas pire beaucoup, c'est que tu peux trouver d'autres enfants de lumière. Puis les enfants de lumière, quand t'en ramasses plein, ça level up le nombre de fois que tu peux flapper tes ailes dans le ciel. C'est comme si ça te rajoute des doubles sauts. Plus ou moins. C'est pas tout à fait de même que ça marche dans Sky, mais comme tu peux te repropulser. Fait que c'est plus facile de se rendre jusqu'à 10. Dans le fond, si tu ramasses tout, tout, tout, actuellement, tu peux te rendre à 10, mais avant qu'il rajoute cette zone-là, c'était difficile parce que dedans, tu as peut-être 6 ou 7 enfants de lumière. Fait tu essaies de te rendre comme un total de genre 120, fait que 7 de plus, c'est quand même, ça te donne un certain lousse, là. Tu peux en avoir manqué un petit peu ailleurs, tu vas être correct. Fait que, moi, c'est là que j'étais rendu. Je me suis rendu à 10. Je les ai toutes trouvées, puis j'ai gossé. Il y a... Le y a-t-il un 11e? Ben, théoriquement, ils pensent que tu pourrais te rendre à 11 flaps dans le ciel, mais ça prendrait, je pense, 150. Puis actuellement, il n'y a pas assez de petits bonhommes dans le jeu à pogner. Mm. Par contre, la façon que le jeu est structuré, c'est que, il me semble, quand ils rajoutent des nouveaux esprits, quand tu... Tu sais, les esprits, c'est comme des petits magasins, là, quand tu vas leur parler, puis tu peux leur acheter des emotes, puis des morceaux de costume. Mais d'habitude, ils sont. Il y a comme une barreur en plein milieu où est-ce qu'il faut que tu dépenses des chandelles spéciales. Et une fois que tu as ouvert la barreur, ça te donne comme un enfant de lumière gratuit permanent. Fait qu'à mesure qu'ils en rajoutent dans le jeu, puis que tu les débarres, si tu veux, ça fait qu'après ça, au lieu d'être obligé d'en trouver 150, tu en trouves 150 moins combien tu as débarré. Ah, oh, c'est de là que ça venait. J'avais pas trop compris comment ça marchait, cette affaire-là. Fait que si t'es pas obligé d'avoir tout acheté, mais si t'as au moins débarré la deuxième moitié, puis même il y a une troisième partie à certains, si tu les as toutes débarrées, mais tu commences, puis peut-être que t'as déjà comme 5 doubles sauts en partant. Là. T'as-tu tout fait ça? Ben, j'en ai fait assez pour en avoir 10. Je pense qu'il m'en manque encore. Parce que genre... C'est comme, fait que ça veut dire que t'as fait, on va dire entre guillemets, la fin. Oui, c'est ça, il y a comme une fin du jeu. Qui te permet d'aller chercher des chandelles spéciales. Fait que ça, tu t'as dû la faire souvent, ça veut dire? 5-6 fois, je pense. Ah, pas plus que ça. Ben ouais. Non, parce que après 3-4, j'étais comme, ok, j'ai fait assez de choses dans le jeu, j'ai cherché beaucoup d'affaires par moi-même. Là, j'ai envie d'aller voir comme des guides un peu pour qu'est-ce que j'ai manqué, tu sais, puis qu'est-ce que je peux faire pour pousser un petit peu plus. Enfin, j'aurais fini par m'ennuyer à toutes les chercher tout seul. D'habitude, j'aime ça jouer de même. J'y vais à mon rythme, je fais pas tout. Là, après ça, ok, bon, j'ai fait le jeu, ben là, je vais essayer de trouver tout par moi-même. Là, d'habitude, je trouve, je sais pas, là, 80%, 70% si le jeu est difficile. Puis là, je suis comme, bon, ben, j'ai pas tout trouvé, mais si j'ai encore de l'intérêt, ben là, je vais aller me chercher un guide, puis je vais trouver le reste. Hmm. Fait que, c'est ça que j'ai fait. Là, j'avoue avoir trouvé à peu près tout ce qui me satisfaisait. Fait que, mais j'ai encore envie de jouer. Fait que d'un jour à l'autre, je décide un peu là. Je me suis habitué comme à speedrunner un peu Pokémon Crystal, puis Zelda, A Link to the Past, Super Metroid. Speedrunner, c'est peut-être un grand mot, là. Je veux pas faire comme le syndrome de l'imposteur, parce que ouais, c'est vrai que je faisais le jeu vite dans le but de faire le jeu vite, mais comme ça a changé mon optique de comment jouer un jeu, j'essaye de faire des runs un petit peu optimales quand je suis capable dans certaines zones de Sky. C'est Ouais, juste que je le c'est fais pas avec un timer puis avec du stress, là. Je suis juste comme, là, c'est mon break, j'ai 15 minutes, je veux ramasser un max de chandelles. ça. C'est un jeu qui, de certaine manière, t'encourage à faire des speedruns sans jamais parler de speedrun. Parce que c'est la façon la plus efficace de ramasser des ressources. C'est ça. Fait que c'est quand même intéressant. Ben non, la façon la plus efficace, c'est de donner de l'argent au jeu. Chose que, ben, je suis pas fier, mais je l'ai pas encore faite. Puis comme je serais dû, là, tu sais, j'ai joué en masse, ce jeu-là mérite amplement qu'on y mette une couple de piastres, là, solide. Ah, mais j'ai mis pas mal plus qu'une coupe de pièces. Parce C'est que un... moi, c'était vraiment dans l'optique, genre, cette compagnie-là, je les aime. Fait que j'étais comme, bon, ben, ils avaient un bundle. Il y avait des affaires un peu spéciales, là, qui donnaient des bonus d'une durée limitée. J'étais comme, ah, ouais, je pogne ça, je pogne ça, tiens. Fait que j'ai dû donner, je sais pas, moins 40 pièces. Ce qui est pas mal plus que ce que j'aurais mis si le jeu avait été comme payant. Tu sais, mettons Le que le jeu jeu il sur aurait été 15 console, piastres. ouais, 15-20, j'aurais payé sur console, je pense. Fait que. Il y a quand même pas pire de contenu, puis le jeu est vraiment beau, là. Ça ressemble zéro à un jeu de téléphone, puis ça roule sur plein d'appareils. Yeah. J'ai branché une manette là-dedans, puis ça marche tout seul. C'est super bien fait. Fait que, ben. Si vous avez toujours pas joué, c'est une grosse recommandation, mais parlez-nous, on peut vous envoyer des invitations pour devenir ami spécial, puis que là, je pense que ça nous donne tout de suite un cœur ou une affaire de même. Pas sûr, je me souviens plus. Ça fait quelque chose. Fait qu'on peut envoyer des invitations, puis que vous reveniez nous rejoindre. C'est-tu Children of Light ou Children of the Light? Je ne le sais pas vraiment. Ou C'est juste écrit Sky. Children of Sunny Delight? Pense que Children of the Light, c'est peut-être comme le nom de l'alpha. C'est comme le titre en développement. Ben, le titre sur le App Store puis partout dans le marketing, c'est Sky. Children of the Light. OK. Il me semble qu'il y a un de. Parce que j'étais allé le checker en fin de semaine. En fait, non, c'était hier. J'ai écrit un blog post que j'ai pas vraiment partagé parce que je l'ai un peu écrit pour moi. Mais ça pour. Attends, ça fait quand même un sujet intéressant. Dommage qu'Anne-Marie soit pas là parce qu'elle aurait eu sûrement des choses intéressantes à dire là-dessus. Mais comme. J'ai écrit mon truc, j'ai fait une introspection essentiellement, puis c'est pour ça que je l'ai pas trop partagé parce que je suis pas sûr que ça intéresse tant de monde que ça. Mais comme je me suis rendu compte récemment qu'à chaque fois que je parle à des gens qui sont pas gamers, des gens qui travaillent pas en jeu vidéo, tu sais, comme comme des gens comme nos parents mettons là, qui sont Comme pas là, des moldus, des comme moldus de jeux vidéo là. À chaque fois que je parle comme des ça, pas game. des pas game, c'est ça. Tu sais, des gens qui savent, qui, t'sais, qui connaissent ça juste parce que ce qu'ils ont entendu à la TV, mettons. T'sais, ils ont jamais Des vraiment casus. joué. Des quoi? Des casus. Des Des casuals. casual? Ouais, c'est Même ça. pas, même pas. Que nous, on est des hardcore. Plus que ça. Plus que ça. Parce que ceux-là, tu leur dis genre, ouais, je joue à des jeux. Puis là, ils savent c'est quoi les jeux. Ils sont comme genre, ah oh ouais, je joue à des jeux sur mon téléphone. Puis là, tu dis, ah oh, moi aussi. Puis là, on joue à des matchs 3. Fait que c'est comme, t'es capable de leur parler. Mais je parle des gens qui sont vraiment comme, ils ont jamais joué vraiment des jeux de leur vie. Puis ils savent pas c'est quoi. Puis à chaque fois que je parle à des gens comme ça, je deviens tout le temps comme gêné. Puis là, c'est comme quand tu creuses un peu, c'est comme dans Scooby-Doo. Il attrape le méchant à la fin, puis là, en dessous de la gêne, il enlève le masque, et en dessous, c'est toujours le vieux monsieur du début qui... T'sais. Sauf que quand t'enlèves le masque de la gêne, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme, c'est de la peur. C'est de la peur de quoi? Peur d'être jugé, en tout cas, dans mon cas. Fait que c'est comme j'avais peur du jugement des autres, de dire, genre, moi, j'aime ça, les jeux vidéo. Fait que là, j'écris comme un gros blog post pour essayer de creuser le pourquoi. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi je me sens jugé d'aimer ça des jeux vidéo? C'est bien correct d'aimer ça des jeux vidéo. C'est quoi le problème? Mais pour le commun des mortels, c'est comme je disais, leur conception de jeux vidéo provient de ce qu'ils ont vu à TV. Puis ce qu'ils ont vu à TV, c'est toujours comme les jeux violents. Il y a eu une tuerie, puis là, le tueur, il jouait à Call of Duty. Il y a le film avec Adam Sandler aussi. Le film avec Adam... Oh! Il y a un Pac-Man géant. Oh, ce film-là! Ce film-là! Ouf! Comment ça s'appelait, ça? Je m'en rappelle plus. Ouf, ça, c'était... Ça avait de l'air pas bon, là. Juste le trailer, j'étais comme... Non. Non. Parce que t'as dit ça, puis j'ai comme... Il y a un autre film avec Adam Sandler que son personnage joue à Shadow of the Colossus. Ah ouais. Ouais. Mais le gars, il est comme un peu... En tout cas, il a un trouble mental quelconque. Je sais pas exactement lequel. Puis il joue à Shadow of the Colossus. Ou il est déprimé. Ouais, là, je me mélange peut-être avec d'autres affaires. Mais il me semble qu'il y a un film d'Adam Sandler qui joue à Shadow of the Colossus. Un bon choix, c'est super le fun comme jeu. C'est deep aussi. Fait que c'est ça. Fait que comme tu parles aux gens, puis c'est ça leur conception de jeu vidéo. Fait que là, t'es pogné pour en une minute essayer de leur dire genre non, moi je joue pas aux jeux de gun puis aux jeux violents. Moi je joue aux petits jeux artistiques, cute. Ou des jeux sérieux qui font pleurer, pis c'est de l'art. Pis là, faut comme t'essayer de leur expliquer tout ça en comme 30 secondes, qui est à peu près le temps d'attention normal d'une personne quand tu leur dis « moi j'aime quelque chose ». Pis pendant que tu dis ça, là, bon, ça c'est le problème à le bout, ou est-ce que ça c'est moi qui m'imagine ça, là, mais tu sens le regard de la personne qui est en train de te juger, c'est comme « ah ». Tu joues à ça, toi, des jeux vidéo? Ah! Puis là, tu vois dans ses yeux le jugement. Puis là, t'essayes de dire comme... Puis là, t'as 10 secondes de faire comme... Non! Pas ces jeux-là! Puis là, la personne est comme genre... Les jeux de vidéo, c'est pour les enfants. C'est des affaires cute. Tu joues à des jeux cute, c'est des jeux pour enfants. T'es comme... Non! Pas ces jeux cute-là. Je joue comme à Oublettes. Puis là, essaye d'expliquer Oublettes en 30 secondes. C'est-tu que c'est tough? Je peux pas expliquer Oublettes en toute une vie. Puis là, fait que là, OK, fait que c'est un jeu pour enfants. Non, pas un jeu pour enfants. OK, d'abord, fait que c'est comme un jeu de téléphone pour perdre son temps. Les jeux vidéo, c'est pour perdre son temps. C'est comme, non. C'est artistique, puis là, ça fait beaucoup réfléchir, puis t'apprends plein de choses sur toi-même, puis tu découvres des émotions que tu pourrais pas avoir dans aucun autre médium. Puis la personne, elle t'écoute plus. Puis là, c'est terrible. C'est des jeux d'auteur, c'est ça. Fait que là, t'es obligé de dire comme, mais tu sais, les films d'auteur, pis y a ben du monde qui est comme, même ça, ils savent pas c'est quoi. Pis là, rendu là, t'es comme genre, ben là, je peux rien faire pour toi. Parce que si toi, t'aimes pas, tu dis, j'aime pas les jeux vidéo parce que c'est bébé pis c'est violent. Pis là, j'essaye de te dire, genre, non, mais c'est comme des jeux d'auteur, comme du cinéma d'auteur. Pis là, cette personne-là, c'est comme, ben moi, ma référence de cinéma, c'est genre Avengers pis Titanic. C'est comme genre, je peux pas t'expliquer les jeux vidéo avec Avengers pis Titanic, là, comme, je peux juste pas. Si c'est ça tes références. Comme, tu sais, à la fin de Titanic, c'est bien triste, pis on braille, pis comme c'est cute comme film. Puis c'est dramatique. Ouais. Ben, il y a des jeux vidéo qui sont comme ça. Ah, ok. Puis ils comprennent pas. Fait que là, moi, j'arrive là, puis là, je suis comme... J'ai 30 secondes pour défaire tout un bagage d'une construction mentale, du zeitgeist collectif, de ce que les gens s'imaginent quand tu leur parles de jeux vidéo. Puis encore pire, quand le contexte où j'ai ce genre de conversation-là, plus souvent ces temps-ci, c'est-à-dire dater. Encore pire, quand la fille te dit genre, ah ouais, mon chum, mon ex, il jouait à ça, des jeux vidéo, comme, il parlait pas, puis il faisait juste jouer à toutes ses soirées à crier dans un micro, pis t'es comme, ok, mais je peux pas t'expliquer, là, c'est comme, je pars avec un handicap terrible, là. Fait que ouais. Ouais, tu peux dire je joue pas à ça, mais ça serait long à expliquer. T'es mieux de dire j'ai déjà fait des randonnées pédestres. C'est plus winner. J'étais pas un grand marcheur, là, mais ça m'intéresse comme là, c'est ça, là. Problème, c'est que c'est même ça, c'est plus vrai parce que comme depuis le confinement, je sais pas pour toi, mais moi je marchais 1 heure par jour avant. Ah. T'sais, une demi-heure, ouais, c'est ça, une demi-heure matin, une demi-heure le soir pour aller retour à job pour. En fait, aller au métro, genre, mais comme c'est quand même beaucoup de marche. Ouais. Monter les escaliers à job parce que je prenais jamais l'ascenseur parce que je me disais ça va me faire un peu d'exercice. Mais là, je fais trop plus ça, là. Fait comme, j'ai été, où est-ce que j'étais allé? Juste comme marcher un peu dehors, faire l'épicerie, des trucs comme ça, aller. Puis là, je fais comme, pourquoi j'ai mal dans les jambes? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Je dis, ah! Je fais full mal les jambes parce que mes jambes sont toutes rouillées parce que ça fait 6 mois que je marche plus comme avant. C'est poche, ça. Ouais, moi j'ai la chance de ben ou la malchance, mais je suis comme plus en région puis on fait de l'alimentaire, fait que j'ai l'occasion de continuer à travailler puis marcher pendant que je travaille. Aussi on fait un petit peu d'escalade là de façon sécuritaire, tu sais, de l'escalade avec masque. On a le droit de les enlever pendant qu'on monte là, mais j'ai quand même Genre, gêne d'escalade. en mur, sur un mur? Ouais. Ok, je pensais que tu disais genre, j'étais comme, what the fuck, le blob, il fait de l'escalade? Ouais, on fait de l'escalade intérieure. Je savais pas, tu nous as jamais dit ça. Ça n'a pas donné. C'est qu'en même temps, l'escalade, c'est pas vraiment un jeu vidéo dans ce contexte-ci. Il y a full de jeux de VR qui font de l'escalade, là. Il y en a, mais moi, c'est pas ça que je fais. Toi, tu Moi, fais je pas fais de du VR de l'escalade l'escalade. d'auteur. Oh! Ça veut dire que tu montes haut, ça? Parce que c'est de l'escalade d'auteur? C'est ça, c'est de l'escalade de hauteur. Ah, mais moi, je suis pas capable, parce que j'en ai déjà fait de l'escalade, puis passé 5 mètres, j'ai le vertige. Fait que moi, c'est de l'escalade de pas hauteur. Ben, vertige ou juste peur? Toutes, oui. Ok. Ok. Mais comme Parce quand. que j'avais peur aussi, puis j'ai dit non, ça me tente pas d'avoir peur, puis je me suis forcé, puis à cette heure, ça va beaucoup mieux. Ça se combat facilement, je trouve. J'ai eu quelques expériences traumatisantes. Mais peut-être qu'il faudrait juste dire que c'est parce que j'en ai fait comme 5 fois, là, gros max, puis peut-être 5, c'est généreux, probablement plus comme 3 fois. Puis comme, il y a une fois, là, comme. J'étais comme, moi je voulais que le gars il tire la corde pour que je sente la corde comme quasiment me prendre. Comme ça, si je tombe comme je tombe de vraiment pas haut parce que je sens déjà la corde sur mon harnais qui est déjà tight. Puis le gars il asserrait pas beaucoup, fait que là j'étais comme, ok, je veux descendre. Puis il était comme, ben, penche-toi puis descends. J'étais comme, ouais, mais la corde elle me tient pas là, serre plus la corde si tu veux que je descende. Puis j'ai eu full peur pendant genre. Ce qui m'a paru une durée interminable, ce qui était probablement 2 minutes. Mais j'étais comme genre, non, mais tire la corde! Que je sente qu'il y a la corde, puis que là, je vais me pencher, puis je vais me laisser. Il disait, laisse-toi tomber! Laisse-toi tomber! Puis j'étais comme, non! Non! T'es fou! Ouais, il faut le faire une couple de fois. Yeah. Par contre, j'ai fait du rappel une fois, puis ça, c'était cool. Parce que ça, t'as sent la corde. Oui, ben c'est sûr. Essentiellement, descendre quand tu es attaché avec la corde en haut, c'est du rappel. Ouais. Mais, ah, Quand ben c'était moi tu qui fais ça. contrôlais, ça se peut-tu? Ah, ok, ouais, c'est vrai. T'sais, on était C'est en pas la même haut, chose, tout à fait. on partait d'en haut, on grimpait pas, on était déjà en haut, on s'attachait pour faire juste descendre. Puis on se Ok. donnait, en swingant, puis en tenant la corde, I guess. Je sais plus comment qu'on faisait ça, mais c'était, on contrôlait, je pouvais freiner, genre freiner la corde, puis là faire Ouais, comme, ok, je descends plus. Puis là, tu ça pouvais. demande que tu t'assures toi-même. Puis j'imagine si tu mets pas de tension, ça bloque tout seul. Puis c'est toi qui dois comme débloquer. Puis là, tu pouvais comme te mettre avec la corde qui tient, puis là, tu pouvais sauter sur le mur, faire comme, oui! Ah ben c'est ça. On... Pourquoi qu'on parlait Parce qu'on disait d'escalade? que on fait plus d'exercice, mais je réussis à faire ça comme exercice. Puis comme il y a des règles. Mais c'est cool. Entre autres, normalement, on met de la poudre de magnésie, pour pas que les prises y glissent de nos doigts. Puis là, ce qui est, c'est comme interdit d'utiliser la poudre lousse au niveau du sol parce que ça fait plein de poudre dans les airs, puis ça transmet des affaires. C'est comme un nuage de poudre, t'sais, qu'on considère que ça pourrait transmettre, je sais pas moi, un virus, par exemple. Je sais pas Fait de que là, quel qu'est-ce qu'on a? virus tu parles. C'est comme. Ah, je sais pas, n'importe quel virus, là. Ah, tu parles de la varicelle. Sûrement. Ouais, L'épidémie ça, de puis. varicelle de 2020. Ouais. C'est en plein ça. La varicelle aviaire, là, La c'est varicelle dangereux. aviaire, ben oui. Ouais. Non, ce qu'on a à cette heure, c'est des tubes comme d'alcool 70 mixés avec la poudre. Fait que c'est comme de la poudre en crème, mais mixée dans l'alcool. Fait que c'est comme si tu te mets du Purell. C'est du Purell de poudre. Fait que Oui, c'est du puis poudrel. genre du bon Poudrel qui, premièrement, ça désinfecte tes mains, la même affaire que du Purell. Fait que c'est parfait pour que tu puisses toucher aux prises sans tout t'infecter. Et en plus de ça, je trouve que ça s'applique mieux, puis ça n'en met moins partout, puis justement, vu que ça n'en met pas partout, tu la gaspilles pas. Mais c'est pas genre juste de la craie dans le fond. La poudre. Pas tout à fait. Je pense que la craie, c'est du carbonate de calcium, tandis que là, c'est du carbonate de magnésium qu'on Ah, utilise. c'est de la poudre fancy. Je suppose. Je suis pas sûr pourquoi on prend ça plutôt que de la craie, là. Il doit avoir une raison. Je me rappelle plus. Puis je peux me tromper, peut-être que du carbonate de calcium, c'est genre de la chaux. Sûr. Mais ça a l'air que de la chaux, ça s'utilise aussi, là. Là, je me Je sais pas retiens de qu'est-ce qui faire plein de présente jeux de mots. l'élastique. Show must go on. Ah, c'est bon ça! Effectivement, on devrait revenir à le sujet C'est ça. qui était l'exercice, qui était faire marcher, qui était faire des randonnées pédestres, qui était pourquoi on peut avoir honte d'aimer les jeux vidéo. En tout cas, bref, j'ai écrit ça. Fait que si ça vous intéresse, je l'ai pas partagé de nulle part. Fait que faut que vous le trouviez vous-même. Sur mon blog. Puis c'est ça. C'est difficile, mais tu peux en parler avec moi. J'ai comme vu une question sur Reddit la semaine passée, puis j'avais envie de te la poser. Moi, j'ai Oh. trouvé ma réponse à cette question-là, fait que j'en parlerai après. Mais, tu sais, les jeux vidéo, c'est de l'art. Maintenant, on le sait, mais il y a un temps, on se le demandait. À quel jeu t'as joué qui a fait comme, OK, ce jeu-là en particulier, là, ça, c'est de l'art. Puis après ça, peut-être que tu as réalisé que des jeux peut-être un peu plus basiques s'en étaient aussi pour différentes raisons, mais comme tu as peut-être rencontré un jeu à un moment donné que comme, OK, lui, c'est vraiment un jeu mémorable, que c'est artistique, là. Tu veux-tu la vraie réponse ou tu veux une réponse niaiseuse mais qui était la première qui m'est venue en tête? Je veux toutes les réponses. La première chose qui m'est venue en tête, c'est You have to burn the rope. Moi, j'ai joué à You have to burn the rope. J'étais comme, ce jeu-là, c'est de l'or. Le pire, c'est que vu que Flash va disparaître, ça va être de plus en plus difficile de jouer à ça. Fait que ceux qui ne savent pas comment, je vous recommande de vous trouver des manières de runner les jeux Flash puis de vous en télécharger un paquet si vous les trouvez encore. Mais c'est déjà ça... plus possible. J'ai essayé de le retrouver l'autre fois puis ça a vraiment tout pris pour que je puisse jouer à You Have to Burn the Rope. Il y a des gens qui ont archivé le plus de jeux Flash qui ont été capables. Tu peux trouver des repositoires de ça. Ça, c'est... Il y a des projets. Mais c'est le... ça te prend le player, puis les browsers, ça marche plus. Ça. Fait que ça te prend comme... Oui, ça prend un player externe. Un émulateur. Il en existe plusieurs. Tu peux aussi juste aller chercher genre la dernière version faisable du Flash Player. Genre. Ish, puis là, être plein de virus. Ben, pas forcément. Ça fait genre 5 ans qu'ils n'ont pas fait de mise à jour. Tu peux éteindre ton Wi-Fi pendant que tu l'ouvres, je sais pas, là. Ou tu le fais dans une machine virtuelle. Mais, oui, encore. C'est ça, il existe des trucs d'archivage, puis eux autres, ils vont utiliser le truc de Adobe, là, mais derrière le décor, là. Fait comme ça, on peut jouer à You Have to Burn the Rope. C'est classique vidéoludique. Honnêtement, je le recommande même pas aujourd'hui parce que c'est un jeu de son époque. T'sais, comme le jeu lui-même a pas mal vieilli, c'est juste que les sujets dont il traite, c'est plus. Ça s'applique plus aujourd'hui. Plus pertinent, genre. Ben, c'est parce que c'était une époque où est-ce que on critiquait les jeux d'avoir des tutorials un peu trop poches pis qui te prenaient trop par la main. Pis You Have to Burn the Rope. Pis il y avait les tutorials trop basic. De l'autre côté, t'avais les jeux qui sont rendus trop faciles. Il y avait comme un espèce de discours du côté des gamers qui était comme genre les jeux vidéo sont rendus trop faciles, tu fais juste taper sur A pis tu gagnes. Puis le jeu dit, t'as plus besoin de chercher, le jeu dit tout quoi faire. Tu sais, Assassin's Creed, le premier, c'était vraiment ça. Là, comme le jeu avait été conçu pour être joué en observant puis en désactivant tout le UI, genre. Mais comme, après ça, ils ont rajouté full de UI, ce qui fait que le jeu dit tout le temps où est-ce qu'il faut que t'ailles puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mais comme la bonne manière de jouer le jeu, ça serait de désactiver tout le UI, genre. Pis t'avais aussi comme Portal 1 qui était sorti, que genre il y avait une toune à la fin. Fait que là tu joues à You Have to Burn the Rope, le jeu dure à peu près 10 secondes. Mettons 30 pour être généreux. Pis là tu finis le jeu. Pis là t'as une toune de 3 minutes. Qui te chante à quel point t'es hot d'avoir battu le colosse en brûlant la corde. Parce que tu sais, comment aurais-tu pu deviner qu'il fallait brûler la corde quand le jeu s'appelle « T'as besoin de brûler la corde ». Il faut que tu brûles la corde. Puis ouais, ce jeu-là, c'est comme... C'est de l'art. Ah ouais, ouais. Moi, je pense que c'est ce jeu-là qui... Ben, c'en est. C'est ce jeu-là qui m'a fait dire, genre, OK, ça, c'est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. C'est de l'or. Mais après ça, la vraie réponse sérieuse, il y avait un jeu que j'ai jamais été capable de retrouver. C'était un carré noir sur fond blanc. Puis, ou sur fond bariolé, gris, en tout cas, de la neige. Fait que t'étais un bonhomme, un carré noir, tu pesais avec les flèches pour bouger ton carré, qui était donc ton personnage. Puis quand t'avançais dans la neige, tu laissais des pas, ou t'entendais des bruits de pas dans la neige. Puis de temps en temps, il y avait comme une espèce de zigzag en spirale, de ligne. Puis là, tu passais là-dedans, puis là, ton bonhomme, comme il ralentissait jusqu'à la prochaine ligne de spirale, puis là, il bloquait, puis là, il y avait comme des petits points rouges qui apparaissaient. Puis là, il y en avait de plus en plus de petits points rouges, puis à un moment donné, ton bonhomme, il bougeait plus. Puis là, le jeu t'expliquait, genre, OK, ce que tu viens de jouer, c'est une représentation de ma ville dans laquelle il y a la guerre en ce moment, puis ils ont mis des barbelés, Mais les gens sont obligés de traverser parce que, comme souvent, ils travaillent de l'autre bord. Fait que là, ils passent les barbelés à tous les jours, puis ils se font super mal. Puis j'étais comme, OK. wow! Mais ça, c'est comme super ésotérique. Essaye d'expliquer ça à quelqu'un qui connaît pas les jeux vidéo. En disant, genre, ça, c'est mon jeu vidéo qui m'a fait croire que les jeux vidéo, c'était de l'art. Ce serait comme, niveau film, là, ça serait comme de dire, je sais pas, quel film super weird, minimaliste, pas écoutable, pas long, que tu regardes, tu fais comme, le cinéma, c'est de l'art. Parce que ça te fait sentir tout croche. Je sais pas. Il y avait certains films dans mes cours de cinéma que c'était genre, ouais, peut-être les films un peu structuralistes, où est-ce que comme, il y avait un son en loop qui gossait, puis un gars qui, t'avais comme deux images de ciseaux avec une langue. Fait que t'avais la langue, puis là t'avais les ciseaux, puis t'es comme genre, il coupe la langue, mais tu voyais jamais la langue coupée pour de vrai, mais comme t'avais l'impression qu'il coupait la langue, parce que comme les images étaient clignotantes Ouais. super vite, avec des couleurs, Ça a l'air le fun. c'était quand même cool. C'était quand même cool. C'était surtout le fun de. Le prof, il était nice. Tu sais, il savait que c'était weird, là. Fait que là, il nous demandait, genre, bon, c'était weird, hein? Comme, qu'est-ce que vous avez vu là-dedans? Puis là, tout le monde était comme, genre, ah, moi, j'ai halluciné des affaires. Puis là, tout le monde entendait des mots différents. On était comme, genre, ah, et on dirait qu'il dit destroy ou his drug ou the drug. C'est comme, on entendait toutes des affaires différentes. C'était weird. Puis c'était cool. Fait que ça serait l'équivalent de ce jeu-là, de traverser la neige avec des barbelés. C'est pas pire comme réponse. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Moi, la mienne est un peu plus premier niveau. T'allais-tu dire Sonic? Le quoi d'autre? J'étais comme, soit Blob, il va me sortir une affaire vraiment obscure, soit il va sortir genre, ah ouais, moi, la journée que j'ai compris que les jeux vidéo, c'était de l'art, c'était genre, Sonic Adventure 2 Battle. J'aurais été plus avec genre Sonic 3, mettons, ou Sonic 1, parce que, tu sais, c'est comme une critique du capitalisme puis de la surindustrialisation, là. Ah, ok, ouais, ah! J'étais comme, critique du capitalisme, de quoi tu parles? Ah, ok, l'industrialisation, la destruction de la forêt puis de l'environnement, c'est vrai. Oui, il y a ça dans Sonic. C'est ça. Docteur Robotnik. C'est genre zéro articulé, mais ça existe. Comme un film de Miyazaki, dans le fond. Eh hey boy. Mais les films de Oh ouais, Miyazaki, c'est tout le temps c'est ça, là. ça. Oui, je sais, mais mettons que c'est mieux articulé. C'est un jeu de Sega Genesis. Il avait même pas une bonne carte. Il avait même une bonne chip de son. Il était pogné sur une Yamaha de marde. Il était pogné par de la FM Synthesis. Qu'est-ce que tu veux faire comme son avec de la FM Synthesis? Ça sonne tout le temps comme des pets qui sonnent comme le cul. Moi, je trouvais ça correct. Puis ils pouvaient bien faire leur marketing en disant, oh la Sega Genesis, c'est edgy, c'est comme cool, ça sonne comme une guitare électrique. C'est sûr, t'es pas capable de faire quoi que ce soit d'autre comme son avec de la FM Synthesis que de la distorsion pas écoutable. Comme Sonic a réussi à faire de quoi de pas pire, genre, ils ont travaillé fort puis ils ont réussi à aller chercher des effets sonores. Puis j'étais comme, je sais pas comment ils ont fait parce qu'avec. Il y avait probablement beaucoup de code pis d'affaires weird pour contrôler ta FM parce que comme la FM, ça non. Sinon, Streets of Rage aussi. Ça, c'est ton jeu qui te. Non, je veux dire, là, on est rendu à parler de son, je sais Ah, pas pourquoi, ok. mais Streets of Rage, la soundtrack, ça ressemble à du Eurobeat, un petit peu. Ok. Là. Tu pourrais aimer les textures. Oui. Là, je veux juste, parce que, juste, soit on peut continuer sur le sujet, soit, je sais que, parce qu'il reste plus beaucoup de temps, soit, T'avais un sujet que tu voulais qu'on parle avant le début vrai, du hein, podcast. On n'est pas arrivé jusque-là. Mais comme, fait que je te donne le choix, genre. Ben, je pense que je peux juste shooter mon petite affaire, puis après Ben ça, oui. on regarde pour ma question de la semaine. On Oui, va c'est voir. vrai, on n'a pas encore entendu ton jeu artistique. Fait que le vrai jeu qui m'a fait comprendre, ça s'appelait Passage. Ah, ben oui. C'est un peu premier niveau, mais je pense que c'est une introduction parfaite pour dire, ben, gars, ça, là, joue à ça, puis gars, comprendre. Tu te fais raconter une histoire, c'est une histoire que tout le monde est capable de comprendre, là. Ben, tu vois, je trouve que ça va faire une belle transition avec ton prochain sujet. Parce que Passage, si tu fais juste le jouer comme j'ai fait, j'étais comme OK, mais encore. Parce que c'était un peu obscur, puis c'était un peu pas clair, puis c'était un peu inaccessible. C'était l'époque où est-ce que, genre, c'était les art. C'était l'époque où on appelait ça des art games. Des jeux Ouais, artistiques. c'était un genre. Par opposition à ceux qui sont pas des art games. Mais ça, c'était les jeux qui étaient comme, on va dire, minimalistes ou structuralistes ou. Tu sais, qui étaient pas des first-person shooters. Ouais, mais tu as quand même le sempiternel combat entre l'artisanat de faire le jeu puis celui de faire l'art avec le jeu. Comme quand tu fais une chaise, tu peux faire une chaise pour t'asseoir, mais tu peux designer la chaise aussi. Comme, c'est pas parce que tu as fait la chaise juste pour t'asseoir que tu n'as fait aucun design, mais il y a clairement des chaises qui sont plus designées pour être regardées puis appréciées que d'autres. Mais toi, t'avais-tu compris en jouant à Passage? Oui, j'avais relativement bien compris. Il y a comme un paquet de notions qui sont incluses dans le gameplay juste en gossoyant. C'est sûr que la première fois que j'ai joué, je l'ai juste comme flyé vers la droite le plus longtemps possible parce que ça faisait monter les points. Fait que c'était Ouais. tout. Mais après ça, j'ai compris que tu pouvais aller comme dans le labyrinthe. Puis il y a plusieurs affaires à comprendre dans le labyrinthe. C'est comme. Si tu vas dans le labyrinthe, t'avances moins, fait que tu vois moins de choses, mais en même temps, ça donne plus de points. Il y a aussi qu'à un moment donné, tu peux tomber en couple. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça te limite. Tu peux pas aller partout dans le labyrinthe. Sauf que quand tu avances en faisant 2 points par pas au lieu de faire juste 1 point. C'est de faire des compromis. Avec juste ça, c'est comme une histoire de la vie. Ouais, ça se peut qu'il faut le jouer comme plus qu'une fois pour. C'est-tu parce que t'avais joué une couple de fois pour tout comprendre ces nuances-là? Oui, puis vu que ça dure 5 minutes, c'est pas très dur de jouer plus qu'une fois, là. T'as envie de voir qu'est-ce que ça fait quand tu fais d'autres choses. Ben, je sais qu'il venait. Je pense que le jeu venait avec comme un text file qui expliquait la vision de l'auteur. C'est possible, je me souviens pas si j'ai regardé ça. Parce que Si je l'ai moi. fait, ça fait vraiment longtemps. Parce que moi, c'est quand j'ai lu ça, j'ai fait ah, ok. Mais le jeu lui-même était trop inaccessible pour moi, je trouvais. Puis Fait là, que, je trouve que ça ouais. fait une belle transition. Parlons d'accessibilité. Parce que tantôt, avant le podcast, tu m'as dit, hey, j'aimerais ça parler d'accessibilité. Puis sur le coup, je pensais que tu parlais genre pour les joueurs qui sont comme handicapés ou colorblind ou des choses comme ça. Mais toi, tu parlais plus, tu voulais qu'on parle spécifiquement de l'accessibilité comme dans le message ou dans Ouais, en plein ça. le thème. Ou, tu sais, dans le cadre de, mettons, si tu compares avec la musique, il n'y a pas nécessairement, mettons, de la musique sans parole, disons, il n'y a pas de message, il n'y a rien à comprendre, mais si tu écoutes du jazz fusion pour la première fois, puis tu n'as jamais écouté de jazz, c'est possible que tu trouves pas ça bon, que tu trouves que c'est n'importe quoi. Faudrait bien que j'écoute ça à un moment donné, parce que tu me sors toujours cet exemple-là de jazz fusion, puis je sais pas c'est quoi. Le jazz, c'est comme c'est facile de pogner ça comme exemple, là. Il y a François Pérusse qui disait concert là, de free jazz ou comme on dit en français là, jazz gratuit parce qu'il n'y a effectivement pas grand monde qui paierait pour écouter ça. Ce qui est tout à fait chiant. Faudrait bien que j'aille. Faudrait que j'aille en trouver pour savoir un peu comment que ça sonne. Parce que comme. Le jazz fusion, c'est quand ils ont arrivé avec les synthétiseurs, les gens ils ont décidé, oh, on va faire du jazz avec ça, puis ils ont été que trop extrêmes avec le synthétiseur là-dedans. Fait que c'est même un petit peu quétaine à quel point c'est comme trop poussé. Ça sonne comme mon genre de truc, ça. Mais oui, puis ça a donné naissance à différents styles, comme un style qui a duré longtemps au Japon qui s'appelle le City Pop. Ça a parti un peu avec du fusion japonais. Je dirais qu'ils ont fait un peu comme le smooth jazz ici. Fait que c'est du jazz, mais de radio. Ben là, c'était du jazz fusion, mais de radio. Mélangé avec de la pop. Fait que là, les jeux qui sont pas comme du jazz fusion. Mais t'as des jeux simples, comme tu joues à Mario, c'est simple, puis t'as pas grand-chose à comprendre. T'as d'autres jeux qui sont simples, mais il y a quelque chose à comprendre, comme Shadow of the Colossus, mettons. T'as des jeux qui peuvent être simples ou compliqués, mais qui a carrément un gros narratif avec des affaires à comprendre, comme si c'était un film. Puis, tous ces genres de jeux-là, ils peuvent te communiquer leurs thématiques, puis des choses qu'ils veulent dire ou pas. Par les mécaniques, par de l'exposition, par la musique, par y a plein de techniques, puis il y en a qui sont plus ou moins obscures là-dedans. Moi, ce que je veux savoir, c'est une question qui, je pense, revient pour toutes les formes d'art. C'est-tu la job de la pièce artistique de t'intéresser et de te faire comprendre ces affaires-là, ou si c'est plus le fun quand t'es laissé à toi-même, que t'es supposé, genre, creuser, pire. Commencer jusqu'à temps que tu comprennes quelque chose. Comme une pièce artistique devrait-elle être jugée selon le critère de ça se comprend. C'est conçu pour des humains, mettons. Parce que tu veux pas enlever quelque chose à une œuvre juste parce qu'elle est obscure, mais en même temps, c'est une qualité d'être accessible. Ouais, mais tu veux pas faire des jeux pour des robots, mettons. Non. Qui sont pas le fun et incompréhensibles pour des humains, mais que les robots y auraient du fun. Ben, à moins que c'est ça ton message. Ah, shit. C'est la même question que pour toutes les formes d'art, tu sais. Facile de faire un paysage, puis comme, OK, j'ai fait un paysage, puis oui, j'ai peinturé un petit peu flou, tu sais, ça donne un feeling détendu, puis je sais pas quoi, c'est comme s'étendre l'été, puis admirer dans le gros soleil. Mais Ou tu peux faire, ah, j'ai fait une toile blanche, c'est moins accessible. Ouais, j'allais dire, tu parles-tu comme la fameuse toile carré noir sur fond noir? Mettons. Que genre, quand j'étais enfant, j'étais comme, c'est quoi ça? C'est quoi cette bullshit? Puis là, plus tard, quand mon prof d'histoire de l'art nous en a parlé, je l'ai revu après, puis j'étais comme, ce truc est grandiose! C'est trop cool! Mais c'est parce que c'est vrai, là, quand tu es devant, t'es comme genre, ah ben oui, le carré noir, il est pas comme la même carré, il est pas le même noir. Je le vois, c'est malade. Mais c'est pas très accessible. Ça prend un cours d'histoire de l'art pour pouvoir trouver ça nice. N'importe qui d'autre va être comme, j'aurais pu faire pareil. Ouais, c'est ça. Fait que le jeu vidéo, il y a ce problème-là aussi, là. Je pense que le jeu vidéo comme forme artistique, ça fait pas genre 100 ans que ça existe, là. C'est comme avant, on bidouillait le mieux qu'on pouvait, puis peut-être ça faisait de l'art. Après ça, on imitait le cinéma, puis ça faisait de l'art. Puis maintenant, on est capable, genre, de faire un peu de tout. Mais ça fait 10 ans, 15 ans, peut-être, qu'on réussit à commencer à faire tout. Avant ça, c'est. Il n'y avait pas les ressources, puis les gens pour avoir l'approche, ils étaient peut-être pas tout à fait là. Je sais pas, c'est un peu réducteur, je pense que. Je veux Ouais, dire, j'exagère un là peu, là. je. Attends, là, j'allais répondre, puis j'étais comme, non, non, non, non, non, on va pas se lancer dans le jeu, dans le débat, est-ce que les jeux vidéo c'était de l'art, puis si oui, à partir de quelle année, puis à partir de quel jeu? C'est comme, c'est lequel le premier? C'est comme, tu dirais-tu ça du cinéma? Genre, non. Ben, tu dirais tout ça d'une chaise. La première chaise que c'était de l'art. Ouais. Comme nécessairement, la personne qui l'a fait a réfléchi à comment on va la faire, puis un petit peu sa personnalité dedans, là. Nécessairement, fait comme, c'est pas là. Si, hein, mon ami, tu m'as demandé une chaise, je t'ai fait un dossier arrondi, parce que je pense que tu vas trouver ça élégant. À check. Partir de ce moment-là, ça commence à être de l'art. Il y a une décision consciente. Qui... Écoute, je pense que... Dur à défendre, mais... Je pense qu'il y a 3 cours d'université là-dessus. Fait qu'on va peut-être pas réussir à arriver à une réponse là en 3 minutes. Ben non. Mais par contre, ta question d'origine, est-ce que les jeux doivent être accessibles? Parce que... Puis... Attends, je vais finir. Un jeu accessible, est-tu meilleur qu'un jeu pas accessible? Comme... D'un point de vue des thématiques, pour commencer. Parce que mettons... Mettons... The Last of Us. Ok, ouais. Ok, The Last of Us, c'est comme... Il y a bien du monde qui ont joué à ça, puis qui ont fait genre, oh shit! Les jeux vidéo peuvent faire ça. Peuvent me faire sentir comme ça. Cette espèce de... tristesse, mélancolie, palette d'émotions, dans le fond. C'est toutes des affaires que nous, on savait déjà parce qu'on a déjà joué à d'autres jeux qui nous faisaient vivre des émotions semblables. C'est juste que là, c'était mainstream. Fait que comme, c'était aussi prenant... Bon, potentiellement plus, là, parce que le jeu est quand même plus intense. Mais que mon petit jeu de traverser dans la neige, du pont dans la neige avec les barbelés... Ouais. Mais là, c'était accessible. C'était dans un jeu de style courant qui était un third-person shooter action game avec des zombies. Puis là, les gens étaient comme « Ah, ça, je connais ça. Je viens pour les zombies et je reste parce que... Et je trouve ça cool à la fin parce que, genre, le jeu est allé jouer dans mes émotions que je savais pas. » Ce qui est d'ailleurs drôle, parce que combien de gars ont joué à ça, puis ont fait comme « Qu'est-ce qui se passe dans mon dedans? C'est quoi ça? Des émotions? J'en ai jamais eu! Ah, » À part fâché, puis le hockey. les deux seules émotions que je connais. Crier, puis le hockey. J'essaie d'imiter 99% de la population, parce que lui est trop unique. On salue toutes les personnes qui sont comme ça, d'ailleurs, qui écoutent l'émission. Fait que là, il joue à The Last of Us, pis c'est comme... c'est quoi ça? J'ai du sang qui me coule des yeux! Non, c'est pas du sang, c'est des larmes. J'ai un œil au beurre noir! Qui m'a tiré dans la tête? C'est comme, non. Y'a personne qui t'a tiré dessus. C'est des émotions. Apprivoise-les. Souviens-toi de ton cours de FPS au secondaire. Ton cours de FPS. La dernière fois. Oh shit! Ton cours de first person shooter. C'est pas partout vers ça que je m'en allais. Mais oui! Je parlais plus de formation personnelle et sociale. Qui est la dernière... T'sais, souviens-toi de ton cours de FPS la dernière fois que t'as entendu parler des émotions en 35 ans de vie. Mais c'est ça, l'espèce de question en suspens, c'est est-ce que c'est la job de ton matériel artistique de te mettre ça dans la bouche facilement? Je pense que non, mais en même temps, c'est une qualité. Sauf que ce que je veux amener principalement, c'est que dans le jeu vidéo, la question est double. Parce que t'as l'accessibilité au niveau des termes, mais t'as aussi, genre, le jeu, est-tu trop dur? T'es-tu capable de jouer au jeu? Puis cette capacité-là, t'emmènes-tu à aller explorer ce que le jeu veut te dire? Si tu communiques des termes et toutes sortes de trucs dans un jeu combat, mettons, c'est pas invalide, mais peut-être que tu te tires dans le pied, parce que des jeux de combat, c'est difficilement accessible de par leur nature. C'est pas invalide comme technique, mais genre, comment tu vas faire? Puis, je sais pas si, mettons, je veux montrer l'art dans les jeux, la beauté, juste, mettons, la beauté graphique dans un jeu. Je donne Sky à quelqu'un qui joue pas à des jeux. Il saura juste pas trop quoi faire avec ses doigts. C'est-tu de sa faute à lui? Ouais, pour un non-gamer, genre? Quelqu'un qui a jamais tenu une manette, mettons? Ouais. C'est-tu la job du jeu? Est-ce que le jeu est moins bon à cause de ça? C'est juste pour dire que le jeu vidéo est un médium vraiment à part. Je pense que ça va être vrai de toutes les expériences interactives, dans une certaine mesure. Mais au moins, tout le monde est capable de juste comme mettre leur doigt dans un écran puis regarder qu'est-ce qui se passe, là. Genre, on est pas mal à l'aise avec pincer puis glisser nos doigts puis voir qu'est-ce que ça fait. C'est pas nécessairement le cas d'une manette, mais je pense que l'espèce de ravin qui sépare les gens qui jouent, les gens qui jouent pas, il est difficile à réconcilier à cause de cette espèce de problème d'accessibilité-là. Puis ça peut même être rendu plus difficile s'il y a des gens, je sais pas, qui ont perdu une main, puis tout ça, là. Ouais, C'est parce encore une couche de plus, là. t'as, ouais, t'as vraiment toutes les t'as vraiment les deux notions d'accessibilité. C'est accessibilité dans les thèmes, puis accessibilité dans comme les jeux vidéo, c'est quand même physique. C'est comme tes mains, il faut qu'ils fassent de quoi. Si t'as pas de mains, ça va mal. Ouais. Ben là, je veux dire, on peut dire la même affaire de la peinture si t'es aveugle, puis les films si t'es sourd et ou aveugle. Je veux dire, ouais, Ouais. là. Mais Aussi. ces médiums-là ont quand même su s'adapter. Tu sais, comme tu peux être aveugle puis quand même écouter des films qui ont une espèce de Effectivement, ouais. sous-titrage spécial. Tu peux, dans le fond, ça devient comme une espèce de audiobook. Puis l'inverse est possible. Tu peux être sourd puis écouter des films avec les sous-titres. Tu peux faire de la peinture si t'as pas de main en peinture avec tes pieds. Genre, on connaît des artistes qui font ça. Mais les jeux vidéo, c'est encore trop nouveau puis c'est encore trop technique. Fait que, comme ça commence. Mais c'est bien. Fait que je sais pas si j'ai un exemple d'un jeu comme profond mais qui serait trop dur pour que je puisse le montrer à quelqu'un, même mettons quelqu'un qui joue déjà mais que peut-être c'est pas trop son style. Puis qui a quelque chose à raconter. Entre autres, peut-être justement Last of Us. Ben tu peux descendre les niveaux de difficulté là, dans le 2 d'ailleurs, ça c'est super paramétrable, mais je me souviens avoir essayé le 1 puis comme à un moment donné, j'ai arrêté puis je l'ai pas fini mais comme j'ai l'intention de le finir un jour, mais je pense qu'un des facteurs qui a fait que j'ai arrêté, c'est qu'il était quand même dur. Fait que parce qu'il était dur, peut-être j'en ai pas profité à 100%. Tu veux pas non plus le mettre trop facile parce que je pense que le jeu a quelque chose à raconter par sa difficulté. Faut que ça soit une épreuve. Faut que ça soit dur d'une certaine manière. C'est sûr que si tu meurs tout le temps, ça enlève tout le poids parce qu'à un moment donné, t'as comme plus peur de mourir. Ça fait partie de, bon, quand je joue à ça, je meurs tout le temps. Il y avait un vidéo, c'était un gars qui parlait de sa blonde ou de sa femme, en tout cas, qui l'a fait jouer à des jeux. Puis en l'observant, il disait genre, le moindre petit level, tu sais, il parlait de genre, je pense que c'était Shovel Knight, mettons, là. Ou le moindre petit level, un platformer, n'importe quel. Le moindre petit level que lui il dit comme ben ça c'est le tutorial, fait que hop hop hop, ok, on passe au suivant. Pour elle, qui était pas habituée avec une manette, qui était pas habituée de contrôler ça, devenait comme une épreuve difficile. Puis là, quand elle était rendue à la troisième plateforme, puis là elle tombait, puis elle était comme ah, oh, faut tout, je recommence. Ben pour elle, ce petit tutorial de plateforme-là, c'était Dark Souls. Ouais, Fait comme après ça tu dis genre ah mais là Dark Souls ils ont rajouté un easy mode pour que les gens puissent pour le rendre plus accessible. Ah, c'est pas bien parce que là ça fait que là les gens qui devraient pas être capables de jouer à Dark Souls ils vont être mais comme ouais mais d'autres pensent qu'il y a des gens qui ont de la misère à juste tenir une manette. Fait que pour eux autres le easy mode va être probablement plus tough que le hard mode est pour toi. Fait comme ça va être quand même un challenge pour eux autres aussi, inquiète-toi pas. Fermer l'eau chaude. Fait que ouais, l'accessibilité, c'est un comment qu'on appelle ça? Un spectre. Comme une échelle de gradation, puis comme tu peux avoir une difficulté, tu peux avoir une difficulté facile pour quelqu'un, mais difficile pour quelqu'un d'autre. Mais je pense que ça peut aussi, c'est la même chose avec les thématiques. Un film pourrait être thématiquement difficile pour certaines personnes, mais comme d'autres personnes vont le comprendre tout de suite. Quelqu'un qui est habitué d'écouter des films obscurs et obscurs, mais je veux dire. Comment qu'on appelle ça des films là, que genre un peu décousu, un peu c'est fait exprès qu'il va pas t'expliquer là. Ouais, où la chronologie est pas respectée, il y en a qui sont juste Soit ça les dérange ça, trop. ou Ça des. peut être aussi qu'il y a des référents culturels, comme c'est un film qui parle de la réalité d'un autre pays, puis t'as juste pas assez de références pour comprendre où est-ce que ça s'en va, là. Ça. Eux autres, les gens de ce pays-là vont l'écouter, ils vont tout comprendre, ils vont voir la subtilité, puis ils vont trouver ça cool. Nous, on va l'écouter, puis on va peut-être pas avoir ce niveau-là. Mais au moins, on est capable de l'écouter. Oh, t'as pas l'aspect difficulté. C'est pas difficile, à moins que t'aies un trouble d'attention sérieux. C'est pas difficile de t'effoirer devant la TV, puis d'écouter le film du début jusqu'à la fin. À moins, comme si on disait tantôt, si t'es sourd, si t'es aveugle, puis que t'as pas les trucs. Ouais, fait que c'est juste c'est spécial pour le jeu vidéo d'avoir cette espèce de barrière-là, puis c'est difficilement réconciliable parce que quand tu as joué un certain temps, ben, je pense que les jeux ils se ressemblent tous au sens où, ben, mettons, il y en a une tonne qui se joue avec une manette ou avec un clavier souris, puis après un certain temps, si tu challenges pas ton joueur, c'est pas que c'est plus le fun, mais t'empêche de faire des choses de plus, nécessairement, tu es obligé de rendre ça moins accessible pour ceux qui n'ont jamais joué, qui voudraient commencer à jouer. C'est drôle parce que les jeux casual, je pense que c'est la même chose. Tu sais, les jeux de match 3, là, pis toutes ces choses-là, là. Comme les gamers, ils regardent ça et ils vont comme, oh, c'est des jeux bébés. C'est comme, ouais, mais ta tante qui joue à Candy Crush à tous les jours depuis 3 ans est meilleure que toi à Candy Crush. Comme, tu vas te dire genre, oh, ben, c'est niaiseux, mais comme, ah ouais, joue-y. Puis après 20 levels, on s'en reparlera. Parce que ouais, Candy Crush, puis tous les matchs 3 sur mobile, ça commence, c'est facile. Mais après comme 20 levels, 50 levels, ça commence à devenir vraiment tough. Puis ta tante, qui joue à rien d'autre qu'à des matchs 3, puis que tu ris d'elle, ben, elle est meilleure que toi. Est juste meilleure. Ses yeux sont meilleurs pour voir les matchs. Elle comprend les mécaniques plus facilement. Parce que tous ces jeux-là sont rendus avec plein de sortes de mécaniques super weird, de genre comme ça. Tu sais, c'est plus juste comme matcher trois affaires ensemble. C'est comme le match 3, c'est comme tirer du gun dans un shooter. C'est comme, bah oui, c'est le truc que tu fais. Mais comme, qu'est-ce que tu fais avec le tirage de gun? Ben, non. On s'entend-tu que Halo puis je sais pas moi Fallout 3 Halo puis Fallout tu tires du gun mais c'est pas la même affaire pantoute. Ben les jeux de match 3 c'est la même affaire tu matches trois affaires ensemble mais c'est pas la même affaire pantoute. Puis, t'as beau savoir, OK, on t'apprend comment est-ce que les chocolats, ils fonctionnent, mettons, mais ça te dit pas c'est quoi toutes les conséquences de ça. Ça, le jeu, il finit par te l'enseigner par du bon level design à un moment donné, mais comme je peux tout te l'expliquer en long et en large, te faire un long texte, mais quand tu vas arriver devant, t'auras pas réalisé que quand tu le fais de même, ça fait une chose, puis quand tu le fais autrement, là, ça passe le tableau. Est-ce que tu connais, parce qu'il y a Gab dans le chat qui parle de Rain World, mais moi je connais pas c'est quoi. Est-ce que ça te dit quelque Non, chose? Ah. non, j'ai pas eu la chance de vérifier. Peut-être que le chat peut nous renseigner justement. Est-ce que c'est comme un Dark Souls de jeu vidéo? Non, ça marche pas comme analogie. Est-ce que c'est le Dark Souls de quelque chose d'autre? Un Puis en espèce de même temps, jeu dur? qu'est-ce que ça a à raconter de, d'intéressant mais qui comme offre pièce beaucoup. Artistique. T'es pas obligé d'offrir beaucoup, je pense. L'important, c'est d'offrir quelque chose. Comme peut-être que Sonic, c'est trop peu, là, qu'est-ce que ça offre. T'sais, mis à part que ben, c'est le fun à jouer parce que tu contrôles un pinball qui est capable de courir essentiellement. Il y a certains tableaux avec des bidules qui sont juste plaisants à gosser avec, mais comme pour vrai, l'espèce de propagande environnementaliste, c'est pas grand chose, là. C'est pas bien défendu, pis ouais. Ça n'a pas rapport avec ce que tu fais dans le jeu. Là. Je me demande quel exemple de jeu on pourrait sortir, parce que là on a parlé comme. T'sais, on a parlé sur notre espèce d'échelle, hein, comme on a mis comme Dark Souls d'un bord, que ça c'est comme inaccessible dans ses thèmes et dans son gameplay. On a mis The Last of Us qui est comme accessible dans ses thèmes, mais difficile à manipuler. T'sais, comme je verrais pas ma tante jouer à ça, mettons, ou ma mère. On a déjà genre... avec tes mécaniques de gamer, pis c'est déjà un défi pour le vétéran un peu. Là. C'est ça. D'un autre bord, dans l'autre coin, t'as genre Mario Kart, qui c'est comme c'est super accessible, mais ça a pas vraiment de profondeur. T'sais, comme dans les thématiques. Tu vas pas sortir de Mario Kart en disant comme genre en faisant de la philosophie, mettons. Non, tu vois, mettons, une parodie d'une compagnie d'huile, sauf avec des tortues à place, là. C'est comme, OK, ça fait dans la parodie un petit peu. Fait que moi, ce que je me demande, c'est là, dans le quatrième coin, le coin où est-ce que c'est accessible dans ses thématiques et dans ses mécaniques. J'ai envie de dire Sky, peut-être, parce que... Threes. C'est quoi? Threes, mais ça racontait rien, en fait. Ça racontait rien, mais en même temps, ça réchauffe le cœur. C'est le jeu qui a inspiré 2048. Freeze, ouais. Comme le nombre 3 au pluriel. Ouais. Parce que là, tu matchais des petites tuiles, puis les tuiles étaient donc contentes de se faire matcher ensemble, puis là, ils devenaient plus grosses. Ouais, mais mettons, c'est pas... Ça raconte rien, mais en même temps, c'est comme un exercice de convivialité qui réchauffe le cœur de voir des petites bébites contentes. Ça a comme aucun sens, mais... Genre, ouais, c'est pas mais obligé c'est pas... de raconter quelque chose de gros, mais c'est un petit quelque chose. Ouais, mais ça tombe un peu comme dans Mario Kart. Ça raconte pas grand-chose. Ça va pas ben, ben loin. C'est comme ça, mécaniquement, c'est intéressant. Je pense que c'est un peu mieux, mais... Ouais. C'est un spectre. Hein. Ouais. Mais... C'est pas assez mieux pour que ça soit un coin. Mais genre, comme... Tu sais... peut-être... je sais pas. J'allais dire Sword and Sorcery, parce que c'est comme, c'est pas dur à jouer, mais c'est quand même un point-and-click adventure game avec tous les trucs un peu weird qui viennent avec. C'est comme... Mais... Ouais. Peut-être The Wolf Among Us? Ah, c'est pas pire, ça. Parce que ouais, là, je pense que tout le monde peut jouer à ça. C'est assez facile. À part, il y a peut-être 2-3 quick time events que là, ça serait bien qu'ils puissent les mettre facile. Ouais, puis ça parle, ça utilise un setting fantaisiste pour parler de la vraie vie. Ouais, ça fait réfléchir sur t'sais, l'univers, c'est comme la pauvreté, puis. Le racisme, là, finalement. Ouais. Parce que t'es magique, faut que tu vives dans un espèce de ghetto. Il y a ça, t'as... Même au sein d'eux-mêmes, il y a quand même des castes, comme si t'étais un animal, c'est pas pareil, là. Si t'as l'air d'un humain, c'est correct, t'as le droit de sortir de temps en temps. Fait que ouais, tout ça... Ouais, je sais pas si pire. Je sais pas s'il y en aurait d'autres. Comme jeu qui te fait réfléchir. Comme les films qui font réfléchir, mais comme. Mais aussi accessible que d'écouter un film. Ben, juste dans le film, il y en a difficilement qui réussissent à faire les deux, là. C'est quand même vrai. Ceux qui réussissent à faire les deux, normalement, ils creusent pas très profond. C'est comme, il y a eu des bons films de super-héros récemment. Mettons, j'ai bien aimé les Captain America parce qu'ils faisaient comme quelques petits commentaires sur la situation actuelle aux États-Unis, comme l'espionnage, ces affaires-là, mais tu sais, c'est pas très creux, là. C'est quand même un film de super-héros, là. C'est vraiment surface, C'est un blockbuster de super-héros. Il y a Dranzior qui parle, je pense qu'il parle de Detroit Become Humans. là. Mais je Je l'ai pas sais pas joué. comment c'est pour le joueur casu, par exemple, là, à quel point ça peut être facile ou pas. Il aurait fallu qu'Anne-Marie elle soit là. Elle l'a joué. Sinon, il y Il avait-tu, y il y avait des avait-tu, si on a, si on veut conclure un peu, il y avait-tu, il te restait-tu des choses que tu voulais? Oh, c'est le moment où il faut que tu parles Non, je vérifie. OK. Ok, ben je lui demandais juste si comme si on avait vu que c'est ton sujet, est-ce que tu penses qu'on a couvert tous les aspects que tu Ouais. voulais Je pense qu'on a explorer? fait le tour. C'est certainement des questions sans réponse définitive, là. Ben oui. Nécessairement, on est obligé comme d'en parler pendant des heures pour arriver à un quelconque consensus que quelqu'un va chavirer en disant oui, mais ça. Mais je pense que ça a exploré même un petit peu plus de dimensions que ce que j'espérais. Puis la petite action dans le chat aussi pour nous pitcher des affaires Pour nous garder était très réveillés. bien. Va falloir qu'on vérifie ce que c'est Rain World exactement. Ça doit être difficile. Mais Gab, il dit, genre, c'est le genre de jeu que tu veux comme pas savoir qu'est-ce que c'est avant de le jouer. Fait que Ah. c'est comme un jeu surprise. Si tu regardes un stream, tu pourras pas l'apprécier comme faut après. Ah, Papers, please. Il me semble, c'est pas dur à Oh! jouer. Tout le monde est capable de faire ça, runner une caisse. Oh shit, c'est bon. Je pense que ça prend pas la tête à Papineau non plus pour comprendre genre de quoi ça parle, puis comme ben tu sais, il y a des gens qui vivent comme ça, ou c'est déjà arrivé, comprends-tu, tu sais. C'est sûr Ouais, c'est que bon, Papers, please. là, ouais, en fait, c'est un full bon exemple, mais il y a toujours un mais. Parce que je suis comme, mais c'est-tu si accessible que ça? Parce que j'ai l'impression, comme, si tu fais juste mettre ça dans les mains de n'importe qui, comme ma grand-mère ou je sais pas, de un, non, ben là, ça c'est exagéré. Là. Mettons quelqu'un qui. Tu sais, pour jouer à Papers, Please, faut que tu connaisses un peu c'est quoi le concept des frontières, puis de comment c'est. Mais peut-être que le jeu est fait pour que tu peux partir de rien. Tu peux être le plus extrémiste de droite, puis quand même jouer à Papers, Please, puis faire comme genre, OK, je sais pas. Si j'en trouve d'autres, je vais les amener à l'émission. Pour l'instant, ça m'a comme sauté dans la tête. Pas très dur. C'est pas si obscur. Ça réussit à raconter de quoi? Ça réussit à raconter plein de choses, en fait. Tu peux en tirer, ben, pas ce que tu veux, mais selon t'es qui, puis qu'est-ce que tu choisis de faire, tu peux tirer toutes sortes de choses différentes. Il y a un autre genre d'accessibilité qu'on n'a pas parlé, mais c'est l'accessibilité au niveau de genre à quel point c'est facile d'avoir ce produit-là dans tes mains, puis d'être capable d'avoir la machine pour le rouler. Ouais, Parce que quand c'est même. sûr que si ton jeu y est, c'est sûr que The Last of Us c'est accessible, mais mettons quelqu'un qui est pas gamer puis qui a pas une console à 300$ plus un autre 100$ pour acheter le jeu, c'est comme ça finit là, là. Le prix du jeu, puis le prix de la machine pour le rouler, c'est quand même un gros frein à l'accessibilité. Ouais. Ouais, nécessairement. Au moins, les grosses cartes graphiques nouvelles sont moins chères. C'est pas ça que j'ai vu. J'ai l'impression que les Ah, nouvelles cartes graphiques sont encore plus chères qu'elles ont jamais été. Là. Les gens, ils font mais des jokes avec ça. je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui les ont toutes achetées. Du genre. Il y a beaucoup de scalpers, si j'ai bien compris. Mais c'est pas grave, je connais pas assez la situation. Je veux pas vraiment m'embarquer dans ça. Fait que, I guess que c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Yes. J'ai-tu un mot de la fin? Moi, je veux shooter une dernière affaire sur Papers, Please comme mot de la fin. Vas-y. Il y a un move assez impressionnant dans ce jeu-là. Normalement, quand tu joues à un jeu et tu prends un risque, c'est toi qui meurs. Dans Papers, Please, c'est pas nécessairement toi qui meurs. Oui, tu peux. Il peut t'arriver des affaires, mais des fois, c'est comme c'est ton enfant et ta famille qui paye. Il y a ça de spécial que tu rencontres pas souvent dans les jeux. Il y a toutes sortes d'affaires que tu peux faire dans Papers, Please qui ne vont pas affecter toi. Mais après ça, ça va te dire, ouais, chez vous, ça cause des conséquences. Tu as le droit de continuer, là, tu fais ce que tu veux, mais ça te met un petit écran, puis comme, hop, tu as manqué de budget chez vous ce mois-ci. Toi, tu vas être correct. C'est ça. Intéressant. Ça fait pas souvent ça dans un jeu. Fait que là, c'est comme, c'est toi qui meurs. Fait que là, si t'as pas de cœur, tu fais comme, bah, m'en fous, là, mes enfants seront morts, je m'en fous, je continue à jouer. Tant que je suis pas game over, moi, je continue à jouer. Ouais, c'est ça. C'est comme, ok, ben, dans la vraie vie, ça marche tout de même. Tant que t'es pas game over, tu continues à jouer. Ok, sure. Tu fais ce que tu veux, mais il t'oblige un petit peu à te poser la question. Comme, t'es qui, toi? Intéressant. Là, évidemment, quelqu'un qui joue beaucoup, il va l'essayer pour voir c'est quoi que ça fait quand tu fais ça, mais... Moi, j'ai un petit mot de la fin, là. J'ai commencé à jouer à Into the Breach. Mais j'ai juste commencé, là. T'es à peine dans le Breach. Ah, j'ai fait une run au complet, puis là, je suis mort. Puis là, ben, faut que tu recommences parce que ça a l'air que c'est un roguelike-ish. Ok. C'est un genre de jeu qui a du permadeath-ish. Un RLL. Un petit RLL, c'est ça, là. Juste pour que Gab dans le chat il capote. Un roguelike-like. Un petit roguel. Un petit roguel. En tout cas, j'ai joué à ça. Puis, Ben, c'est cool, c'est cool. On va sûrement en reparler, là. Ben, tant mieux. Fait que, il va dans ce temps-là, Gab, il capote sa vie dans le chat. Fait que, yes. Gab, tu sais qu'on fait, on dit ça juste parce que c'est drôle que t'es fâché à chaque fois. C'est pour ça qu'on le fait. Mais on fait exprès de pas dire que c'est un roguelike. Ah non, non, non. Roguelike, like. La convention de Berlin, là. Alright. Hey, sur ces belles paroles, c'est ce qui nous amène à la fin de l'émission. Si vous voulez avoir plus de On a juste une vie dans votre vie, vous pouvez vous abonner. On est sur Apple Podcasts, YouTube et Twitch. Tous les liens sont sur notre site web onajusteunevie.ca. Et, t'sais, quoi de mieux que de s'abonner pour entendre parler de petits Roggle, de petits RLL. Ah, puis si vous aimez ça, des petits roguels, donnez-nous 5 étoiles sur votre plateforme ou un pouce, là, je sais pas comment ça marche sur Twitch. Si vous voulez nous écrire, on est les emails info@onajusteunevie.ca. Merci à tout le monde dans le chat, c'est très cool. Si vous voulez poursuivre la conversation sur notre groupe Discord, je vais mettre le lien dans le chat. Merci à Blob d'avoir été avec moi ce soir. On souhaite un prompt rétablissement à Anne-Marie, qui devrait être là la semaine prochaine, parce que on a juste une vie. C'était weird avec cette phrase-là, j'étais comme, parce que Anne-Marie a juste une vie. C'est un peu creepy de dire ça. Ouais, ok, on va faire comme si de rien n'était. Gab est parti, là. L'interprétation des roguelikes de Berlin. Est-ce que tu peux tremper des affaires dans d'autres affaires? Est-ce que tu pouvais te tremper dans le breach? Je suis trempé dans le breach. j'ai réécouté le premier podcast que j'ai enregistré ever. Le podcast de la Brigade SNW dans le temps. Ah. On parle de genre 2010, dans ce coin-là, mettons, peut-être même avant. Puis, ça commence comme, c'était moi puis David, tu te souviens de David? C'était moi puis David qui était comme, « Ah, ça enregistre! Ah, on est en train de faire un podcast! Ah, wow, on est dans un podcast! » Aïe, aïe, on est dans un podcast! Puis on dit rien pendant 10 minutes, puis là, ça coupe. Puis c'était ça, le podcast. Ben ouais, c'était de la grande radio, ça. C'est le premier podcast de la Brigade SNW. Puis ça, on le répète plusieurs fois. Hey, c'est le premier podcast de la Brigade SNW. Est-ce qu'on est hot? Ouais! Non, c'est un peu nerd. On n'est pas vraiment hot. C'était genre ça. Puis après ça, la première chose dont on parle, c'est MySpace. Parce que c'était cette époque-là. C'est vrai, ça existait. Parce que la Burkina SNW, on était sur MySpace. Puis là, on ajoutait plein de monde random, puis on les envoyait spammer de messages. Ça, c'était la belle époque.